On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un va tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos merdes. Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm ready to go, I'm ready to go. On the rocks. It's all right. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars, wouh! Ah, la joie du direct, la joie du retour du direct. Et oui, c'est Manu dans The Rocks, comme tous les lundis soirs, ou presque, hein, quasiment, de 19h à 21h. Et oui, 19h-21h, il y a du changement dans les horaires. Je suis très heureux de vous retrouver en direct sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel. Alors, je ne vous avais pas vraiment quitté jusqu'ici, puisque j'avais fait des émissions un petit peu enregistrées à la maison avec les moyens du bord. Mais cette fois, j'ai retrouvé les beaux studios de Radio Arc-en-Ciel remis à neuf. En plus, voilà, bien agréable. Et je vous retrouve donc tous les lundis soirs, alors bon, jusqu'au mois de juillet, hein, parce qu'après il y aura des vacances, mais en tout cas, ça nous laisse quand même 4 semaines de rock'n'roll ensemble dans cette émission légendaire qui s'appelle On the Rocks. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont continué à m'écouter et à me suivre sur le site ontherocks.net pendant toute cette période de confinement. Et bien voilà, l'espoir renaît, le virus décroît, on est toujours précaution, voilà, on a nos petites lingettes à la radio, on essuie tout, on nettoie bien. Mais en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver en direct à l'autre bout du poste. On va commencer avec un très très beau coup de cœur, un groupe que j'ai découvert grâce à Mathieu Dufault de l'Astrolabe, puisqu'il les a programmés pour le prochain festival au Pop-Up à Orléans, qui se tiendra les 18 et 19 septembre, si tout va bien, 2020. Eh bien oui, puisque les concerts sont tous à peu près annulés jusqu'à cette période, mais ce festival qui se tient en extérieur pour la plupart, et puis certaines salles à l'intérieur évidemment, je pense que ça va être jouable. Et il y a un groupe magnifique qui nous vient de Zurich en Suisse qui est programmé, il s'appelle Black Sea Dahu. Black Sea Dahu, pour moi, c'est vraiment la révélation. Déjà, j'ai une révélation, je ne savais pas que le Dahu était au fond des mers toutes noires. Non, non, je pensais que c'était dans les forêts avec une jambe plus courte que l'autre. Eh bien non, on trouve des Dahus un peu partout. Et surtout, on trouve ce groupe fabuleux, groupe de frangins et de frangines, un peu comme les Cowboy Junkies. Mais en tout cas, un groupe avec une personnalité bien singulière, avec une voix magnifique qui peut osciller de temps en temps. Ça peut faire penser un petit peu à Jeff Buckley en cherchant bien. Ça peut faire penser à plein d'autres trucs. Mais surtout, ça nous fait penser à Black Sea Dahu avec des unités vers folk, éthéré, mais à la fois assez tendu parfois, et surtout magnifique. Je vous conseille vraiment de vous plonger dans la discographie, je vous dis ça souvent en ce moment de Black Sea Dahu, mais là c'est vraiment vrai, et puis j'espère vraiment qu'ils seront, et qu'elles seront, puisque c'est une chanteuse à la tête de Black Sea Dahu, qu'ils seront en concert bien à Hop Hop Hop, comme c'est prévu. Voici un extrait d'un de leurs albums, ça s'appelle Big Mouth. On va continuer à se visiter des morceaux de Black Sea Dahu dans On The Rocks. Vous allez pas vous... voilà, vous allez en manger dans On The Rocks, puisque je trouve ça absolument magnifique. On va commencer l'émission ce soir dans The Rocks en étant assez calme. Il y aura des choses un peu péchues ce soir, ouais, un petit peu, oh, ça va être assez tranquille, hein. Ça va être estival, champêtre, mais en tout cas je suis très très heureux de vous retrouver en direct. Et voici le coup de cœur, Black Sea Dahu, et c'est un gros gros gros coup de cœur. Today I won't be thinking about you. I'll get by on someone else's love. Oh, today you won't be hearing from me, 'cause I'm high on music. I'm nowhere within reach for you. Thank you. wash away my tears and I'll watch you wash beer into your big mouth. Standing on a balcony and I can hear you sweet talking into making out with you. J'ai deux bonnes nouvelles ce soir dans The Rocks. Deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que l'émission est à nouveau en direct. Et oui, tous les lundis soirs, cette fois, attention, de 19h à 21h. Il y aura évidemment une rediffusion et du podcast sur le site ontherocks.net, Studio Zef à Blois, bien sûr. Mais en tout cas, c'est 19h-21h maintenant les lundis soirs sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que Ray Lamontagne, qu'on vient d'entendre à l'instant, revient avec sa voix fantastique, sa jolie guitare en bois. Et surtout, son absence totale d'envie à nouveau de d'aller vers des horizons un peu plus psychédélique, un peu plus bidouillé. Voilà, il revient avec son harmonica, sa guitare, et c'est comme ça qu'il est vraiment le mieux. C'est un extrait d'un album à venir qui s'appelle We'll Make It Through. Et juste avant, le gros coup de cœur ce soir, c'était Black Sea Dahu, qu'on retrouvera, j'espère, je pense, je le crois fermement, au festival Hop Hop Hop à Orléans les 18 et 19 septembre prochains. C'est Suisse de Zurich, et j'espère qu'il y aura une belle interview derrière. En tout cas, je vais en référer à mon camarade Romain de l'Astro Vidéo. Vidéo Astro, enfin Astro TV quoi, et on va essayer de vous mettre ça en boîte, j'espère. Allez, puisqu'on était en Suisse, on y revient avec une artiste que j'adore. Il y a eu une interview dans The Rocks, puisqu'on parlait d'interview dans The Rocks il y a bien longtemps, une artiste qui me fascine. Alors depuis un ou deux albums, voilà, comme souvent, eh bien une fois qu'on est allé au bout des influences un peu rock, un peu folk, un peu jazz, un peu mélange de tout ça, eh bien on se tourne vers l'électro, vers les bidouillages. Ça donne pas toujours du bon. Alors c'est Sophie Unger. Et donc c'est plutôt bien, puisque Sophie Unger, c'est une artiste vraiment magique. Alors elle sauve le morceau par sa voix, par la mélodie. Je vous préviens, l'instrumentation du nouveau morceau de Sophie Unger qui s'appelle Everything is Good fait furieusement penser un petit peu au disque de Dorothée, la chanteuse Dorothée, vous vous souvenez, le club Dorothée, tout ça, la récréa 2. Voilà, donc on se dit oulala. Et en fait, le morceau, eh bien, emmène assez rapidement parce que la mélodie est assez imparable. Il y a la voix de Sophie Unger, évidemment, mais je vous préviens, ça fait un petit peu peur, hein. Voilà. Donc, si vous aimiez Dorothée, vous allez être aux anges. Si vous n'aimiez pas Dorothée, que vous adoriez Sophie Unger, vous risquez d'être un peu surpris. Mais c'est un morceau que je trouve quand même pas mal. Donc, je le diffuse dans The Rocks. Even if I could, I Alors vous allez vous dire, Manu, là ça va pas fort depuis qu'il est revenu dans The Rocks, parce que c'est plus du tout rock. C'est de l'arnaque, déjà c'est plus la même heure, c'est 19h, et c'est plus rock. Alors c'est vrai que c'est pas très rock, hein, ce qu'on vient d'entendre. D'abord Sophie Hunger avec Everything is Good. Je maintiens, j'aime bien ce morceau moi quand même, hein, c'est estival. Et puis à l'instant c'était Tao Nguyen. Alors Tao Nguyen, on s'est déjà passé des morceaux de cette demoiselle, c'était plutôt folk, plutôt guitare, etc. Bah, elle aussi a pété un câble et elle a créé un groupe qui s'appelle Tao and the Get Down, Stay Down, c'est le nom de son groupe. Et c'est très très électro comme ça. ça, très, très pouille-pouille. Mais alors voilà, ce morceau Temple, c'est un peu comme Sophie Hunger, normalement c'est un peu tout ce que je déteste. Et puis là, eh ben je sais pas, je trouve qu'il y a quand même quelque chose, c'est frais, c'est sympathique. Oui d'accord, mais ce n'est pas du rock, disent les auditeurs de l'autre côté. C'est vrai, ce n'est pas du rock, alors on va revenir à des choses un petit peu plus rock. Alors c'est du rock pépère hein, ce soir, hein, je l'ai dit. Avec une nouveauté qui moi, qui m'emballe, j'écoute ça depuis 15 jours. C'est très très estival, voilà, ça donne envie de rouler à plus de 100 km avec la fenêtre ouverte. Ça s'appelle Winkler et le morceau c'est Twin Snakes. Mr. Bank Robber, 'cause I got the keys to your safe. And though you try to knock me out, you came at my embrace. Some people tell you I'm misunderstood. Dans The Rocks ce soir, dans l'émission en direct, 19h21h désormais sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel tous les lundis soirs. D'abord une nouveauté qui s'appelle Winkler avec Twin Snakes, et à l'instant c'est un morceau aussi, c'est une nouveauté, hein. Oui, oui, ça aurait pu être enregistré en 1961, 1958 même, mais c'était Ellie Paperboy Reed, un jeune homme qui vit dans le passé, un peu comme moi. Avec un extrait de son dernier hippie, ça s'appelle Bank Robber. Il l'a assez répété pendant le morceau. C'est pas le morceau qui est mis en exergue sur ce hippie, mais en tout cas sur EP. Mais en tout cas, c'est pour moi le meilleur morceau de ce EP Bank Robber, dont Down the Rocks. Allez, voilà le deuxième gros coup de cœur après Black Seed Dahu de l'émission ce soir. C'est un groupe que je suis depuis des années dans Down the Rocks. Il développe une sorte de rock tranquille, un petit peu californien comme ça, un petit peu solaire, vraiment pépère, mais avec des belles envolées. Il s'appelle Woods. Voilà, ils sont héritiers directement de quoi, de The Band, de peut-être des Birds. Voici donc un extrait du dernier album, et le dernier album est excellent comme tous les autres albums de Woods. Ah oui, ça risque de faire un peu quand je parle, parce qu'il n'y a pas de bonnette sur le micro, hein. Forcément, on fait un petit peu attention. Donc je m'excuse par avance pour ceci. Voici donc Woods, tiré de leur dernier album. Tout le dernier album est bon, et tous les albums de Woods sont bons. Une petite différence sur le dernier album, peut-être. Vraiment, on retrouve le chant un peu aigu comme ça, et les mélodies ciselées. En tout cas, il y a un peu plus de clavier, peut-être dessus, un peu plus d'orgue, un peu plus de synthé. Where do you go when you dream? Très bonne question, et c'est Woods qui la pose, et c'est le deuxième gros coup de cœur ce soir dans The Rocks. Ah oui, ça... Voilà, faut lancer le bon, voilà, parce qu'ils ont, alors je vous explique, ils ont tout remis le studio à neuf, et ils ont changé les boutons de place, donc forcément les vieux gars un peu comme moi, un peu, voilà, quand les boutons ont changé de place, ça part pas, alors que si on pousse le bon bouton, normalement ça fait, c'est mieux. Voici Woods dans The Rocks.

feels like it should. Friends gather round, tonight it's now or never. And we all know that nothing lasts forever. The sages said, for all we do, under these lights, just me and you. We thrive in the dark, but the night is not a mirror. I think I'm finally seeing things clearer. Been talking to your mother about the way we treat each other. My mother's been talking to your mother, hasn't she? You try to be like your big brother, but I got needs like all the others. You try to be like your big brother, is that why you spit in my face? Space. My mother's been talking to your mother about the way we treat each other. My mother's been talking to your mother, hasn't she? You try to be like your big brother, but I got needs like all the others. You try to be like your big brother, it's not what you spit in my face. Space. Encore une nouveauté dans On The Rocks ce soir. On The Rocks, c'est oui, qui revient en direct avec Mankind. À l'instant avec Happy Child. Et juste avant, c'était Robert John and The Wake avec One Last Time. Allez, on va continuer avec une nouveauté. Et ce morceau qu'on vient de se passer à l'instant pouvait faire penser à certains morceaux des White Stripes et peut-être évidemment des Raconteurs. Et ben, puisqu'on est dans ce style de musique, on va revenir à un de ses créateurs. C'est Brendan Benson qui sort un nouvel album. Oui, Dudu, c'est vrai que sur l'intégralité de l'album, ça peut être un peu, voilà, un peu redondant. Mais en tout cas, il y a des très bons morceaux comme ce I Quit que je vous propose d'écouter maintenant dans The Rocks. Voici une nouveauté, Brendan Benson. I've been fighting a good fight, just trying to get it right. I was on to something good, somewhere in the neighborhood. Caused us to wear. Your knees are exposed and they must be cold from the fact that you bought new jeans just 2 weeks ago. Your knees are exposed and my shoulders are bare. If we were both naked, would anyone care? The sounds of the listening room, the place that would L'album est tout chaud, il a quelques jours seulement, et vraiment c'est un très très bon album. Il y a des choses un peu comme ça rock'n'roll avec des grosses basses qui peuvent sentir les années 80, et puis il y a une sensibilité de la chanteuse juste derrière. Il y a des choses qui lorgnent plus vers le folk, voire l'anti-folk. C'était Wim à l'instant avec The Listening Room. On va se diffuser beaucoup de morceaux aussi de cet album de Wim, et puis juste avant c'était Brendan Benson avec I Quit. Allez, encore une nouveauté dans The Rocks, il s'appelle Sauer Fredericks. Il a gagné une sorte de télécrochet, je ne sais pas comment on peut dire, à la télévision, alors qu'il n'avait que 15 ans. Eh bien, il a bien eu raison. Et puis, après tout, on s'en fiche, le talent est là. Sauer Fredericks avec Lies You Tell, et peut-être que ça va faire rouler les abeilles. I hit the road, dear. I left last night. I said good night, dear. Then you said goodbye. And I won't be coming back. Bloodshot your eyes, 'cause I haven't slept. And my dream just keeps on getting bitter. And I don't remember why I left. But you said be better. Lies you tell. Oh, you said it would be better. Lies you tell. No, you said it would be better. The moment that I left you. Lies you tell. I hit the wall here. And I've started to fly. What a risk I'm taking. But I will survive. Oh, and I won't be coming back. Bloodshot eyes, 'cause I haven't slept. But my dream just keeps on getting bitter. And I don't remember why. Be better. Talking to you, I'm trying to drink this poison and see if it'll kill me. I used to have immunity, oh, but now I don't know what it'll do. You see, you don't know where I've been. I was just a caveman back then, but now I'm dripping with pain. I ain't old. I've been writing, baby. You know I ain't been writing. If I'd been writing, then I wouldn't be talking to you. I'm trying to board this train wreck. I used to have a ticket. All the best shit I ever written, honey. It's all been coming from you, yeah. So don't shut me up. It ain't like it was. I shed some layers. My bed. Why the hell would I miss my bed? This world, it got a lot of beds, and I don't mind trying to haul. Some are full of sadness, ain't. Some ain't got no blankets, but some are like heaven, honey, more than I could ever hold. You say I've been raining long, and I keep on rolling on. That old cocoon is a dead bone. I ain't no. Voté ce soir dans On The Rocks avec John Craigy, très américain et très on the road ce soir avec Don't Ask. Et puis, juste avant, c'était Sour Fredericks avec Lies You Tell. Alors oui, l'émission a été déconfinée, le direct a repris. Merci à l'équipe de Radio Arc-en-Ciel d'avoir remis ça sur pied. Et y a des gens qui, pendant le confinement, ont continué à faire des choses, bien évidemment. Moi, j'ai continué à faire On The Rocks. Mais il y a Glenn Hansard qui a fêté son anniversaire, comme moi, le 21 avril, confiné. Bon, lui, il y a Eddie Vedder qui lui a envoyé un petit message vidéo. Moi non, mais il y a des copains quand même qui m'ont envoyé des messages. Eh bien, Glenn Hansard n'a pas fait que fêter son anniversaire et trinquer à distance avec le chanteur de Pearl Jam. Il a également composé, créé et mis en ligne un nouveau morceau. Ça s'appelle Glenn Hansard. Donc, c'est le nom du monsieur, chanteur irlandais que j'adore. Le morceau s'appelle Cold Comfort et on va se le passer maintenant. Morceau de Glenn Hansard, donc enregistré pendant le confinement. Well, it's no comfort when heaven's open and sudden rain comes pouring down. So let's head for shelter and we sit this out. There's little we can do about it. And this little comfort I know, but it's raining all over the world right now. Streets are quiet before the sound of birdsong. There's no rush upon us now. Slow going and it's slower still here, but we'll get through it if we pull together now. And this little comfort I know, but it's raining down on everybody now. Together if we try. The waiting time is over. No man sees around the corner. Walking in the rain and coming home dry. There's something missing there. It's easier to care and try. And I try to wash my hands, and I try to make amends, and I try to count my friends. Qui nous sont coutumières. D'abord Glenn Hansard avec Call Comfort. Et puis à l'instant, c'était Neil Young. Et oui, Neil Young qui nous a livré un nouveau morceau qui s'appelle Try Me. On reconnaît quand même sa voix, mais elle s'est un peu... Voilà, elle est devenue plus grave, sa voix. Elle était très très aiguë lorsqu'il était jeune. Il avait une voix de grand-mère. Et bien, plus ça va, plus il a une voix de grand-père. Donc Neil Young avec Try Me. Voilà quelqu'un qui revient aussi avec une voix de plus en plus grave et des albums de plus en plus magnifiques, quoique ils ont toujours été beaux. C'est le respectable, respecté et l'artiste immense qui a fait l'honneur de venir... Non seulement dans les studios ici jouer des morceaux, vous pouvez retrouver ça sur ontherocks.net, mais manger à ma table et dormir dans le lit de mon fils. C'était Johan Asherton, donc, qui revient avec un nouvel album qui s'appelle Passion Tide et qui est vraiment très très beau. Il s'approche de plus en plus de l'épure et de la voix de Leonard Cohen qui résonne directement dans nos poitrines. Alors les albums de Johan Asherton étaient soit électriques, soit plutôt très acoustique, soit plutôt un petit peu celtique, soit américain, eh bien, sur ce nouvel album Passion Tide, j'ai l'impression qu'il arrive à regrouper tout ça. Il y a des morceaux qui vont un peu dans toutes ces directions-là et ça lui va vraiment très bien. Un artiste vraiment majeur, français, inspiré évidemment par tout le rock anglo-saxon. Je vous conseille de réécouter les deux émissions spéciales que je lui avais consacrées dans The Rocks et puis de poser l'oreille sur ce nouveau morceau qui s'appelle We Never Spoke. C'est tiré de son très bon album Passion Tide. Et ça, pour rouler normalement, ça roule. We never spoke like lovers will. I would have loved to, but it's gone. No questions asked, no pity answered. Burning irony of it all. Oh, let them say, for you know in the morning I'll be with you. Like children will. I would have hoped to, but it's left undone. A missed hellos and tripped goodbyes. The grating silence of a late night call. Oh, let them say, let them say, for you know in the morning I'll be with you. Oh, let them do, for you know in the morning, in the morning I'll be. fade now into perfected imperfection. And it's all about knowing when to say you're wrong. Deux voix assez formidables, d'abord celle de Johanna Charton avec We Never Spoke, tiré de son dernier album Passion Tide. Et puis à l'instant, c'était Damien Jurado, tiré de son dernier très bel album. Alors ça vaut pas le single, mais en tout cas ce morceau est bien sympa quand même. Ça s'appelle Birds Tricked Into the Trees. Allez, on va rendre un hommage maintenant dans The Rocks à quelqu'un qui vient de nous quitter du coronavirus encore. Ça aura décidément emporté énormément de gens et énormément d'artistes. C'est Dave Greenfield. Alors Dave Greenfield, ça ne vous dit peut-être rien. Il portait la moustache comme personne, une coupe au bol à la Mireille Mathieu, mais en tout cas il faisait partie d'un des plus grands groupes punk avec les Sex Pistols et les Clash, c'était les Stranglers bien sûr. Et particularité, lui il tenait le clavier. Alors oui, un claviériste et un joueur de clavier dans un groupe punk, c'était assez détonnant, et c'est ce qui pour moi faisait la singularité des Stranglers. Et puis c'est lui qui a composé la musique de cette valse incroyable qui est tombée en 1981 au milieu de la discographie des Stranglers. Ça ressemblait pas du tout à ce qu'il faisait d'habitude, la maison de disques a pas voulu sortir le morceau. Ils ont pourtant sorti ce morceau sur l'album suivant, sur l'album La Folie, donc en 1981, et c'est pour moi le meilleur morceau des Stranglers. Il a donc été composé par Dave Greenfield qui vient de mourir. Eh bien on se repasse ce Golden Brown en hommage à Dave Greenfield, et ça nous permet de réécouter ce morceau qui est pour moi le meilleur morceau des Stranglers. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. We'll be right back. this beautiful creature must die. A death for no reason, and death for no reason is murder. And the flesh is so fancifully fried, is not succulent, tasty or kind. It's death for no reason, and death for no reason. And the cup that you cut with a smile, it is murder. And the turkey you effectively slice, it is murder. Do you know how animals die? Kitchen aromas, oh, very hot. It's not comforting, cheery or kind. It's sizzling blood and the unholy stench of murder. It's not natural, normal or kind. The flesh you so fancifully fry, the meat in your mouth as you savor the flavor of murder. D'abord dans The Rocks avec Golden Brown et à l'instant les Smiths, grand souvenir des Smiths avec le morceau Meat is Murder tiré de l'album Meat is Murder, hymne officieux des végétariens de l'époque et des véganes de tout poil. Voilà, depuis ça a fait école avec ces sons de enregistrés dans les abattoirs et de vaches enregistrées juste avant leur passage à l'abattoir. Morrissey étant un des pharans opposant à la viande, voilà, donc il le faisait savoir dans ce morceau Meat is Murder, un morceau que je dédie à mon grand Xav qui vient de prendre un an de plus, qui est officier ici auparavant. Les plus jeunes, les plus vieux s'en souviennent, pardon. Lui, il est resté très jeune. Xav, c'est pour toi ce Meat is Murder des Smiths. On va continuer avec une nouveauté. C'est Steve Jacobson. Je me dépêche un peu dans The Rocks parce que c'est 19h21 maintenant, direct sur Radio Arc-en-Ciel. Et donc, il est 20h27. Donc, ça galope. Voici encore une nouveauté. Donc, ça s'appelle Steve Jacobson, avec un très très beau morceau. Alors là, on est vraiment dans la chair de poule, les guitares acoustiques, les feux de camp et les demoiselles qui prennent leur guitare et paf, on tombe immédiatement amoureux d'elle. C'est parti, c'est une nouveauté, Steve Jacobson, et c'est beau. I've got my license, but I'm scared of driving. So I keep walking everywhere. I'm scared of dying, scared of breaking, scared of killing someone else along my way. Oh, I don't know how to rid myself of fear. So tragedies and pains as if they're mine. And I told the doctor, she says I'm too ill. I'm not ill enough for help to keep me safe. Been so long D'abord la douce voix de Steve Jacobsen dans The Rocks, et puis à l'instant c'était le dernier morceau de Ben Harper qui revient avec Don't Let Me Disappear. Il avait vraiment pas disparu, Ben Harper, il était allé faire un petit tour du côté du blues et des racines, et bien il revient avec ce morceau acoustique tranquille. Alors c'est pas le choc du Ben Harper de la fin des années 90 qui nous avait tous terrassés. Mais on retrouve sa voix très émouvante et puis son toucher guitaristique. Si on regarde les images, bah voilà, il a pris un petit coup de vieux, hein, les cheveux blancs tout court, voilà. Enfin, Ben Harper toujours quand même, et il a la guitare pas à plat sur les genoux. Voilà, il a dit c'est fini ça maintenant. En tout cas pour le dernier morceau. Voici quelqu'un qui lui était parti faire un tour du côté de l'opéra. Eh bien, il revient également à ses premières amours avec un morceau. Piano, voix, lyrique, un peu grandiloquent comme il aime les faire. Lui aussi a la barbe blanche. Lui aussi a pris un petit coup de vieux, mais il est toujours aussi beau et il chante toujours aussi bien. Voici le dernier morceau de Rufus Wainwright dans The Rocks que je dédie à la Catou. Ça s'appelle Alone Time. To get you. seeing only you could be the mirror knows where all the time has gone. Thinking about a rainbow, feeling only blue, the joy and sadness have become one. Still I think of you fondly, hope the world is treating you kindly. Should you ever think of me sometimes, may all the memories rise. Think of you fondly and hope the world is treating you kindly. Should you ever think of me sometimes, may all the memories rhyme. Le gros nounours et sa voix tout en sucre et en miel. C'était Ron Sexsmith tiré de son dernier album, un album un peu plus enjoué, mais quand même on trouve quelques perles au piano et très atmosphérique comme ce morceau qu'on vient de se diffuser qui s'appelle Think of You Fondly. On retrouve toute la marque de fabrique de Ron Sexsmith, c'est-à-dire de nous faire fondre tout simplement Refuse and White juste avant avec A Long Time. On va continuer un peu dans ces palettes de musique un peu tranquille avec le jour qui décline derrière votre fenêtre ou dans votre jardin où que vous soyez pour écouter. Voilà, alors Martinus, il va dire c'est pas du rock ça. Non, c'est vrai, mais c'est beau. Owen Palette, c'est une nouveauté qui vient de sortir. Très très bel album d'Owen Palette avec le morceau Perseverance of the Sands. On va enchaîner ça avec un petit instrumental de Mick Harvey, le vieux complice de Nick Cave, tiré de son dernier album entièrement instrumental donc et bouleversant qui s'appelle Return to Anzac Cove. Et puis après, les Cowboy Junkies, tiré du dernier album avec le morceau Bracing, morceau dédié par Margot Timmins et ses frangins à leur maman qui a quitté cette planète. Décidément, en ce moment, ça dégage. Owen Palette, Mick Harvey et Cowboy Junkies, c'est triste, mais c'est beau. Up in the night, my body is paralyzed. Mind is running reckless, colors are all alive. All across my eyelids, the silence of the spheres. What manner of evil would think it engineered? Still I left my friends and family pastured and boarded a ship to spread the news. When I started to feel like I believed in a lie, I climbed up the mountain to get my dues. Nobody wanted him dead. Nobody wanted him dead. The jetty knocks me out of reverie. It is only in my lover's arms that I can ever sleep. In younger generation, we will all persevere. Sun across our bodies, how long we've been lying here. Memory is what makes you older. You hold on to memory like a mother hoarder. And time gets quick as you administrate all the leavings of the passing years. And I'll pull your arms around me. I'll pull your arms around me. I pick you up so I could feel again, like the boy who had the eye of every man. I pull your arms around me. I pull your arms around me. La magnifique voix donc de Margot Timmins des Cowboy Junkies avec Breathing. Et juste avant, c'était Mick Harvey avec Return to Onsa Cove et Owen Pallett avec Perseverance of the Sands pour commencer. Allez, on va se passer maintenant un extrait du dernier album des Jayhawks qui va bientôt arriver. Je sais qu'il y en a qui vont sautiller de joie derrière leur petit poste de radio. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est dans The Rocks et ça s'appelle This Forgotten Town. Forgotten town, had to watch my old horse drown, buried by the river, chocolate colored by the mud. When we were young, we were judged by the choices that we made, and all the time we wasted in the love that I betrayed. Well, we built the dam and everything changed. Les Jokes à l'instant dans The Rocks avec This Forgotten Town. Voilà cette émission de reprise post-confinement et post-arrêt des émissions sur Radio Arc-en-Ciel, la première donc dans The Rocks, nouveaux horaires, 19h-21h va se terminer. Je vous invite à rester si vous voulez retrouver la rédac du sport et Rémi, ce sera tout à l'heure à partir de 21h30, on laisse une demi-heure de battement entre les émissions pour des questions sanitaires. On se quitte avec ceci, ça va vous rappeler des beaux souvenirs, c'est un remix. D'habitude les remixes, bon je me dis bof, mais là je pense que c'est la meilleure version qui existe de ce morceau. Je vous dis pas lequel c'est, mais moi ça m'a fait onduler toute la semaine. Je vous dis ciao, je vous dis bye bye, je vous embrasse pour ceux qui ont écouté dans leur voiture ou du côté de Fayolloge, et puis je vous retrouve la semaine prochaine dans The Rocks, 19h 21h. Ciao, à la semaine prochaine.